même si les rois s'en vont faire la fête, même si la reine est un traître, même si l'honneur revient à ceux qui s'enfuient, même si les nuages pleurent de la suie, et même si les bouffons se retournent les pouces, et même si leur crinière se perd dans la course, mon histoire est le monde et ses corps qui se fondent. Mon histoire est le monde et ses corps qui se fondent. Même si la loi s'en va faire la sette, même si la règle est abstraite, même si les plaisirs en somme nous dirigent, même si le scorbut nous ronge la tige, et même si la colombe part en vacances, et même si la mort est une délivrance, mon histoire est le monde et ses corps qui se fondent. Mon histoire est le monde et ses corps qui se fondent. Même si les chercheurs ne trouvent que le vent, même si nos histoires glissent dans un gouffre, même si l'aventure finit en pantoufles. Mon histoire est le monde et ses corps qui se fondent.